Josué chapitre 19. Le deuxième sort échut à Siméon, pour la tribu des enfants de Siméon selon leur famille, et leur héritage fut parmi l'héritage des enfants de Juda. Et ils eurent dans leur héritage Beesheba, Seba, Molada, Hatsarsuel, Bala, Etsem, Eltola, Betul, Orma, Sikla, Beth-Markabot, Hatsarsusa, Beth-Lebaot et Saruan, 13 villes et leurs villages. Agin, Rimon, Été, et Azan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages qui étaient autour de ces villes-là jusqu'à Baladbé, qui est Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Siméon, selon leur famille. L'héritage des enfants de Siméon, fut pris du lot des enfants de Juda, car la part des enfants de Juda était trop grande pour eux, c'est pourquoi les enfants de Siméon, eurent leur héritage parmi le leur. Le troisième sort monta pour les enfants de Zabulon, selon leur famille, et la frontière de leur héritage fut jusqu'à Sari. Et leur frontière devait monter vers le quartier de vers la mer, même jusqu'à Marala, puis se rencontrer à Dabezet, et de là au torrent qui est vis-à-vis de Jotnam. Or cette frontière devait retourner de Sari vers l'Orient, au soleil levant vers les confins de Kislot-Tabor, puis sortir vers Dabrat, et monter à Japhia, puis de la passer vers l'Orient, au levant, à Gita et Fekietit à Katsin, puis sortir, à Rimon-Metolar, qui est là. Puis cette frontière devait tourner du côté du septentrion à Anaton, et ses extrémités devaient se rendre en la vallée de Jiftaël. Avec Katat, Nalal, Saint-Ron, Jidéala, et Bethlehem, il y avait 12 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage des enfants de Zabulon selon leur famille, ces villes-là, et leurs villages. Le quatrième sort échut à Issacar, pour les enfants d'Issacar, selon leur famille. Et leur contrée fut ce qui est vers Jisrel, Kezulot, Sunem, Afarjim, Sion, Anaharat, Rabit, Kisjon, Ebé, Remet, Anganim, Anhada et Beth-Patsé. Et la frontière se devait rencontrer à Tabor et vers Sabatsim, et à Beth-Som, tellement que les extrémités de leur frontière se devaient rendre au Jordan, 16 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Issacar, selon leur famille, ces villes-là, et leurs villages. Le cinquième sort échut à la tribu des enfants d'Azé, selon leur famille. Et leur frontière fut Elkat, Ali, Betan, Aksaf, Alamelech, Ama et Mizéal, et elles se devaient rencontrer à Carmel, au quartier vers la mer, et à Sior vers Benat. Puis elles devaient retourner vers le soleil levant, à Beth-Dagon, et se rencontrer en Zabulon, et à la vallée de Jiftaël vers le septentrion, et à Beth-Emma et Neuiel, puis sortir à main gauche vers Kabul. Et Hébron, et Rob, et Amon, et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Puis la frontière devait retourner à Rama, même jusqu'à Tsor, ville forte, puis cette frontière devait retourner à Oza, tellement que ses extrémités, se devaient rendre au quartier qui est vers la mer, depuis la portion tirant vers Axib, avec Uma, et Afé, et Rob, 22 villes, et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants d'Azé, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Le sixième sort échut aux enfants de Nephtali, pour les enfants de Nephtali, selon leur famille. Et leur frontière fut depuis Elef, et depuis Alon à Tsaanim, et à Daminokeb, et Jabnéel jusqu'à Lacom, tellement que ses extrémités se devaient rendre au Jourdain. Puis cette frontière devait retourner du côté d'Occident, vers Aznotabor, et sortir de la Huko, tellement que du côté du Midi, elle devait se rencontrer en Zabulon, et du côté d'Occident elle devait se rencontrer en Azé. Or jusqu'en Juda le Jourdain était au soleil levant. Au reste, les villes closes étaient Sidim, Tser, Hamat, Rakat, Kinret, Adama, Rama, Hatsor, Kédé, Edrei, Anhatsor, Giron, Migdalel, Harem, Beth-Anat et Beth-Som, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là, et leurs villages. Le septième sort échut à la tribu des enfants de Dan selon leur famille. Et la contrée de leur héritage fut, Tsora, Estaol, Hirsom, Saalabim, Ajalon, Jitla, Elon, Tanata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Ju, Benebera, Gatrimon, Mejarkon, Erakon, avec les limites qui sont vis-à-vis de Japho. Or la contrée qui était échue aux enfants de Dan, était trop petite pour eux, C'est pourquoi les enfants de Dan montèrent, et combattirent contre le Zem, et la prirent, et la frappèrent au tranchant de l'épée, et la possédèrent, et y habitèrent, et ils appelèrent le Zem, Dan, du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des enfants de Dan selon leur famille, ces villes-là, et leurs villages. Au reste après qu'on eut achevé de partager le pays selon ses confins, les enfants d'Israël donnèrent un héritage parmi eux à Josué fils de Nun. Selon le commandement de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, savoir Tanatsera en la montagne d'Ephraïm, et il bâtit la ville, et y habita. Ce sont là les héritages qu'Éléazar le sacrificateur, et Josué, fils de Nun, et les chefs des pères des tribus des enfants d'Israël, partagèrent par sort en Silo, devant l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et ils achevèrent ainsi de partager le pays.